elle est donc de mes sens l'aveuglement extrême. Vaincu seul, m'occupe en ce jour. Ai-je oublié l'objet que j'aime? Ne suis-je plus sensible aux douceurs de l'amour? Non, non, c'est une faiblesse de gémir si longtemps dans les fers olives. La plus charmante vainqueur me fait ouvrir les yeux et je sens pour jamais expirer ma tête.